Yo, huis clos, Mephisto, Shakespeare, on t'invite à te fermer ta gueule si t'es le genre à parler sans se connaître. Si on est ici, c'est parce que... Y'a trop d'MCs qui prennent le rap à Royal Rumble. T'es pas meilleur que l'autre parce que tes mots veulent plus au Scrabble. J'aurais pas de simple, mais les exemples sont assez amples. Check bien le pamphlet, pas tout le contre les wack MCs. Au trou de cul qui écrivent ça, la place est déjà prise. C'est une crise. Et on veut pas stopper ça, c'est pour ça que j'ai mal à la tête en calice. On dirait qu'il y a des rappeurs qui pissent sur ma matière grise, puis j'ai ira dans gris. Les gars qui me font ça, sachez que ça martyrise. Hey merde, on parle de wack, écoute, en toute franchise, ça me valorise. On parle de marde en vrac, le flow prend des claques, et y'a pourtant la chienne de chaque attaque. C'est les sommets pis avec leur chienne de mes moites. La chienne, j'ai de mon sac, mon flow four à quatre pattes. Je clip le strap, écarte l'MC rap. Fuck ceux qui schnappent, je rappe pour ceux qui jappent. Fait que les cadets, mourrez-vous dans le cul, vos handicaps. Avant qu'on ferme la trappe avec dans ta bouche, un beau gros cap. MC, hein, tu parles contre les wack MC, hein, moutou, mais t'as toi que je m'adresse, Chris. Tes beats sont hard, puis ta voix, c'est une caresse. Laisse faire la délicatesse. Cette track laisse pas un test. C'est pour ça que ça tient de la marde. C'est pour ça qu'on donne notre best. C'est notre marque, pas du commerce. Y'a trop bébé qu'on berce. À ce temps, c'est Rick Lowe in the house. On n'est pas des fans de Mickey Mouse. Profitez-en pendant que ça pause. Y'a de la grosse marque grosse qui se brasse. Que les étudiants s'écrasent. Que les débutants stassent. J'enseigne comme Shane, les enseignants de chaque classe. Enseigne à mon propre sang, en v'là une tasse. Fait tant qu'on jase. Délire en marchant, bidant dans mon gros bon sens. C'est l'impasse. Non, c'est l'extase quand on pompe le gland. Cependant, je m'aperçois du nombre effrayant. D'enfants d'attendre une couple de semaines dans le mouvement. D'implanter leurs graines dans ce que j'écoute à longueur de semaine. Je touche les beaux sujets avec des gants. Fait que je mets des mitaines. Même si quelques-uns que je vis sont grands. La plupart sont même pas encore dans vingtaine. Je te reste la vérité d'en face. Ou bien la lame des veines. J'suis impulsif, j'éverse mes déchets dans la gueule des nourrissons. Dis-toi qu'on rhyme de but, t'as constipé. Réponds, tes canaux sont obstrués. T'as un cotex poigné dans la gorge qui t'empêche de respirer. J'pite toute ma shit pendant que ta bouche est menstruée. Ok, c'est temps d'abréger, ça fait 2 minutes passées que vos oreilles sont masturbées. Écoutez, Sylvie Acroc, vous avez demandé. Un cadet wack, ça ferait même bander le nouveau-né. De voir comment qu'on peut sortir de la marque d'une traque.